moustiques et des mouches qui tourbillonnent autour de lui. Ben, c'est un petit peu ce qui se passait lors de ses concerts. Et donc, c'était situé en plein milieu de rien, avec plein de champs autour et plein, forcément. Et, ou bien dans les villes avec plein de déchets. L'histoire de Naples et de ses poubelles, on ne refait pas l'histoire, Rome pareil. Et donc forcément, ben, entre les poubelles d'un côté, voir la nature florissante et foisonnante autour de lui, bon, ça lui a inspiré cette idée-là pour cette pochette et s'inspirer évidemment Liberatore aussi qui a fait le dessin. C'est une particularité. Pourquoi je dis que c'est un faux live? Parce qu'il fait référence à des morceaux qui ont été joués pendant les tournées de 1982. Et comme toujours chez Zappa, les morceaux live et les morceaux sur disque changent. Il rajoute des parties, il enlève des parties, il rajoute des parties voix, il en retire et il remixe tout ça. 83, plein début des années 80, les studios ont fait des progrès, et donc à nous les overdubs, à nous les parties mixées, remixées, re-remixées, etc. Et Zappa plonge à fond là-dedans. Et donc, ça met finalement tout ça à un niveau qu'on dirait plat maintenant. Il n'y a plus beaucoup d'aspérité puisque tout a été bien retravaillé, bien lissé. On a enlevé ce qui pouvait faire, qui pouvait mettre un peu du grain, etc. Non. On a vraiment mis ça de la manière la plus aseptisée, la plus propre possible. Bon, reproche qui sera fait plein de fois à Zappa tout au long de sa carrière alors qu'il a fait une quantité industrielle de live. Alors, pour la petite histoire, Frank Zappa, pourquoi je vous dis que c'est compliqué, Frank Zappa? Parce que c'est plus de 60 albums. Ouais, c'est énorme. Et quand on dit ça, ben voilà, on a tout dit, en même temps on n'a rien dit, mais c'est la vérité. Donc, c'est plus de 60 albums. Ça part absolument dans tous les sens. Retrouver la discographie, je pense que... The Man From Utopia, là, qu'on a maintenant, ça doit être le 22e album, je pense. Carrière qui a démarré en 1966, on est en 83. Ça vous donne un petit peu une idée. Rien que pour l'année 79, par exemple, il va sortir 4 albums, dont un triple, Joe's Garage, qui est un des plus connus. S'il fallait reprendre dans les albums les plus connus et les plus suivis, pour dire ça comme ça, on pourrait aller rechercher probablement le Hot Rats, évidemment le premier avec les Mother of Invention qui s'appelle Freak Out, le deuxième Absolutely Free. Voilà les albums un peu incontournables de chez Frank Zappa. Franchement, artiste à redécouvrir, je vous dis unique et inclassable. Il s'est démarqué de ses contemporains parce que là où il abordait effectivement le format rock dans ses compositions, il y avait un travail de fou sur les rythmiques, il y avait un travail de fou sur les voix. Or, les rythmiques et les voix, c'est pas forcément ce qu'on met en avant quand on fait un ouvrage purement rock. Ça, c'était une de ses marques de fabrique, évidemment. Bref, un artiste à redécouvrir tout le temps, tout au long de sa vie, finalement. Frank Zappa. Allez, on en termine parce que musique, je vous dis, exceptionnelle et musique rare, finalement. Hein. Du Zappa, c'est du Zappa. Il n'y a pas d'autre chose. D'ailleurs, il a deux fils, Ahmet et Dvouzil. Prénom impossible aussi. C'est ça. Et tous les deux font carrière depuis début des années 2000 en reprenant les albums de leur papa. Pour vous dire que l'univers est unique et inclassable. Et on ne va pas leur jeter la pierre, ils ont bien raison de le faire. Musique de drogué, enfin voilà, on est en pleine période hippie. Il va sortir d'ailleurs en 68 un album qui s'appelle Need for the Money. C'est toujours drôle, bien sûr. Et là, il réglait son compte avec les hippies, parce qu'il y avait un petit peu... une dent contre les hippies. Voilà. D'accord. Ça, c'était pour l'album We're Only Need for the Money. Et puis la drogue. Parce qu'on l'a aussi accusé souvent d'être dans la recherche, la drogue, etc. Or, pas du tout. C'est pas du tout son truc, la drogue. Et règle ses comptes dans une chanson, dans les 60 albums. Il faut aller rechercher une chanson qui figure sur cet album. The Man From Utopia. Ça s'appelle Cocaine Decision. Et c'est le titre qui ouvre cet album. Et une fois pour toutes, il dit tout le mal qu'il pense de la drogue, drogue douce, cocaïne, etc. Il se lâche là-dessus. Voilà. Frank Zappa, redécouverte de ce soir, de Man From Uzuba, album de 1983. Faites-vous plaisir. Drop a line now. Cocaine decisions. You are a person with a snow job. You got a fancy, got a go job. Where the cocaine decision that you make today will mean that millions somewhere else will do it your way. Cocaine decisions. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Yeah. shit. Motherfuckers abusing their power. False prophets trying to feed you they fucking bullshit. Y'all saying if you want peace, you gotta understand you better be ready for war. Ain't shit free. We living in hell and you gotta let them know you ain't taking no shit. And when this shit come back, I want you to burst into flames. Everybody put your hands in the air. Yo, put your... Tout nouveau. C'est vrai, c'est sorti vendredi. Nouveau. Voilà. Aurore. Premier album, quand même. Tout premier album qui sortira le 5 mai. United States of Aurore. Ah bah. Voilà. Ça porte très bien son titre. Ça porte très bien son titre. Et c'était le morceau, c'était un morceau homonyme de cet album. Donc, avec un clip à voir absolument. Voilà. Un clip avec des images que l'Amérique a abreuvé son peuple sur le racisme, sur les différents sociaux, sur les oppressions du gouvernement, sur. Voilà. Sur tout ce que l'Amérique peut offrir comme horreur. Vivement Aurore. Ouais. Alors oui, un groupe à voir en live absolument. Absolument. Pour ceux qui ne les ont jamais vus, il faut les voir absolument en live. Ah ouais, non, quelle énergie. Alors, et je sais pas si c'est le coup du père Trump, hein, mais le Tribe Called Quest qui revient avec un album bien, bien solide. Ouais. Ouais, clairement. Quand même. Aurore. Bon, ça a l'air de bien partir, en tout cas. Ouais, ouais. J'ai dit, hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les 4 prochaines années? Des bons disques. C'est ça. C'est déjà parti, c'est ça y est. C'est la seule chose, mais ça sera des bons disques. Voilà. Ça commence déjà très bien. Ça commence déjà très bien et très très fort. Ah, ouais. Ah quel plaisir. Ah, vraiment, ça. quel plaisir. À suivre pour le 5 mai, donc. Allez, retour en Belgique et même du côté de Moucron Tourné. Hein, c'est un peu là que se base groupe de vétérans qui, bon an, mal an, va approcher bientôt les 20 ans de carrière. Quand même. Ouais. Et qui sort un nouvel album chez Attends Rêver d'Irois. L'album s'appelle Drake Hunter. C'est le retour d'Adolina aux affaires avec un nouvel album. Et ouais, ils approchent. Ouais, oui. Faut pas leur dire. Bientôt les 20 piges, je pense. Ah, c'est ça, quoi. Si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être, hein, mais je pense que leurs 20 ans, ça va coïncider avec les 40 ans de la radio. Voilà. Je dis ça, j'ai rien. Ah. Ah, voilà. Je dis ça, je n'ai rien dit. D'accord, voilà. T'as pas entendu. Voilà, Drake Hunter, extrait de cet album sorti chez Attends Rêver d'Irois. On va écouter Shostakovich, évidemment. Adolina. White and white in hell. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais, très bien. RQC 95 FM. Nouveau. Nouveau. Tout nouveau, c'est nouveau. Ça. Nouveau. On commence à le savoir, là, c'est nouveau, nouveau. Nouveau. C'est sorti vendredi, adulte. Witches de Sound, extrait de leur prochain album. Detroit House Guest. Ça y est. Elle a retrouvé le sourire grâce à ça. Ça promet un grand, grand album. Oh, mais dis-moi. C'est incroyable. Alors, il y a plein de collaborations sur cet album. En plus. Notamment bah, Michael Gira. Bon. Boum. Shannon Funches, qui est la chanteuse de... Ça y est, je vais plus revenir sur le nom du groupe. Je ne sais pas. C'est pas grave, je retrouve ça va un Gise. Jour. Non, non, non. Non. Je retrouve plus maintenant, c'est malin. C'est pas grave, je vous dirai quand ce sera l'album de la semaine, tout ça. Ça se fera de toute façon. Voilà, nouvel adulte. À écouter absolument. Il va regarder. Vas-y, regarde. Si tu trouves. Ou pas. Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Tu ne trouves pas. Je ne sais pas. Non, mais non, je ne trouve c'est pas. Pas je... bon. C'est pas grave. Je voilà. Retrouverai. Je retrouverai. J'avais trouvé, il fut un temps. Bon, ben, bon, c'est pas perdu, quoi. Non. Mais ouais, non, plein de collaborations. Et effectivement, on revient très fort. Oh oui. Oh là là. Ça va faire mal. Ah, ça va... Le duo va faire mal. Ça va piquer. Franchement, ça va piquer. Ah, Light Asylum. Ah, bah voilà, oui, bah oui. Voilà, bah voilà, oui. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, ben ça va vraiment plaisir. Oui, ça va faire vraiment, mal. Vraiment, vraiment. Ça va être quelque chose, quoi. Adult Detroit House Guest, qui est sorti apparemment le 17 mars, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas encore reçu totalement. Bon. À voir, peut-être que chez nous, ça sort un peu plus tard. Faut voir. Voilà. Bon, allez, vous tenez au courant. ça va être un final, mais on va vous dire au revoir juste avant, évidemment, parce qu'on va se quitter en musique. Si. Oui. Alors, morceau de décroche donc. Ouais. Et on va partir encore sur un peu de rap. Voilà. Yeah. Et c'était pour te faire plaisir parce que je sais que tu aimes bien ce morceau. Bon, bon, bon. Nous sommes en 2002. Mm-hmm. Il y a le phénomène Eminem. Mm-hmm. Et il y a surtout un morceau. Lose Yourself. Voilà, Lose Yourself. J'ai remis la capuche. Ça se voit pas, mais c'est normal, on fait de la radio. C'est ça. J'ai remis la capuche. Bon, quoi que vous fassiez, faites-le bien sorti, couvert, soyez prudent, et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bye bye. Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Blast.